Alors, Vincent, est-ce que t'es content de ton nouveau travail ? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que t'es instituteur maintenant ? Dans un petit village de l'Est. Ce que j'aime dans ce travail, c'est précisément que je connais tout le monde dans le village. Les enfants, bien sûr, mais aussi leurs parents. Tu n'as pas de problème de discipline ? Non, j'ai aucun problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans un petit village.